Les deux sœurs de Paul Bourget. Chapitre 1er, sur un quai de gare. Le train rapide qui vient de Coire et qui passe à Ragatz vers 6 heures du soir était en retard de 25 minutes. Mais les deux sœurs, en train d'aller devenir sur le quai de la petite gare, ne pensaient pas s'en plaindre. Pour la première fois depuis ces 2 semaines que Madame de Méris, l'aînée, avait rejoint l'autre, Madame Liébeau, qui faisait faire à sa petite fille la cure des eaux de Ragatz, une conversation un peu plus intime s'engageait entre elles. Le sentiment de la séparation, toujours mélancolique, et surtout dans le commencement du crépuscule, leur attendrissait-il le cœur? Cédait-elle la douce poésie partout répandue autour d'elles dans le paysage? Cette longue et verdoyante vallée de Ragatz où le jeune Rhin coule, si rapide et si froid, parmi les peupliers, s'étalait sous le soleil tombant de cette fin d'une chaude journée d'août comme une oasis de si calme félicité. On eût dit que les contreforts des grandes Alpes apparus de tous les côtés se dressaient là pour préserver le coquet village, les fraîches prairies, les bouquets des vieux arbres contre la brutalité du monde, et quelle noblesse dans ces profils de montagne, avec quelle délicatesse de contour la chaîne du Falknis détachait sur le clair du couchant la dentelure violette de ses cimes, comme la gorge sauvage en face qui mène à Pfeffers s'enfonçait hardiment dans la cassure des énormes rochers, que la ruine de Wartenstein était romantique à voir écroulée sur la pointe abrupte de son pic. Le vent se levait, faible encore, chargé de la fraîcheur des glaciers sur lesquels il passe là-haut, avant de descendre dans la paisible vallée. Et aucune dissonance ne troublait pour les deux sœurs le charme de cette heure. À peine si une douzaine de voyageurs attendaient, eux aussi, dans la gare, le train retardataire. À cette époque de l'année où les express rentrent presque vides à Paris. Les porteurs s'accotaient au mal préparé sur le quai, avec un flegme tout helvétique. Dans ce silence des choses et des gens autour de leur lente promenade, le bruit le plus fort qu'elles entendissent était le rythme léger de leurs petits pieds quand elles arrivaient de la partie sablée du sol de la gare à la partie bétonnée. Elles formaient ainsi, causant avec un abandon que révélait l'accord de leur démarche, un couple d'une grâce particulière, tant la ressemblance de leur silhouette et de leur visage était saisissante à cette minute. L'aînée, Agathe, avait 30 ans, la cadette, Madeleine, en avait 29. Cette différence, insignifiante, ne se reconnaissait pas à leur aspect, et elle donnait l'impression de 2 jumelles, si pareilles de traits que cette quasi-identité déconcertait les personnes qui, ne les ayant pas vues souvent, rencontraient l'une d'elles en l'absence de l'autre. Elles étaient toutes les deux blondes, d'un blond mêlé de reflets châtains. Elles avaient toutes les deux des yeux d'un gris bleu, dans un de ces teints transparents, fragiles, qui font vraiment penser aux pétales de certaines roses. Elles avaient le même nez délicat, la même ligne mince des joues, le même arc bien marqué des sourcils, le même menton frappé d'une imperceptible fossette, et une jolie et même irrégularité de leur bouche spirituelle, une lèvre supérieure coupée un peu courte, qui laissait voir au repos des dents un peu longues, joliment rangées. À les étudier cependant, cette espèce de trompe-l'œil et comme de prestige s'évanouissait. Des détails tout physiques se remarquaient d'abord. L'aînée était d'un doigt peut-être plus petite que la cadette. La masse des cheveux de celle-ci était plus opulente, sa taille plus forte, malgré sa jeunesse, son visage un rien plus potelé. On les regardait davantage et l'on constatait très vite une dissemblance plus essentielle, si radicale qu'une fois discernée, les analogies, les identités presque de ces 2 êtres faisaient ressortir cette opposition davantage encore. On devinait que 2 personnalités absolument contraires vivaient, sentaient, pensaient sous ces formes si pareilles. Une âme difficultueuse, compliquée et mécontente se dissimulait derrière le regard des prunelles bleues d'Agathe, aussi fermées que celles de Madeleine étaient ouvertes, caressantes et gaies. Une défiance de nature, plus aisée à sentir qu'à bien définir, crispait chez l'aînée le pli du sourire, au lieu que la cadette, si avenante, si indulgente, créait partout autour d'elle cette atmosphère de bonhomie fine qui fait de la seule présence de certaines femmes une douceur dont on est tenté de les remercier. Leur façon de s'habiller ne révélait pas moins clairement la nuance de leur caractère. Elles étaient, l'une et l'autre, mises avec l'élégance des Parisiennes riches d'aujourd'hui. Quelques mots résumeront ce qu'il faut bien appeler leur histoire sociale. Nous en avons tous une, dans ces temps d'ascension hâtive, et cette histoire domine souvent toutes nos destinées de cœur, si cachée que soit cette action d'événement, en apparence très étranger à notre intime sensibilité. Agathe et Madeleine étaient des demoiselles Hennequin, de la maison Hennequin, gaz et ruban, l'une des plus importantes, il y a 10 ans, de la rue des Jeuneurs. Ayant perdu leur père et leur mère, très jeunes, à quelques semaines de distance, leur dot d'orpheline avait été assez considérable pour leur permettre n'importe quel mariage. Agathe avait épousé un homme titré et ruiné, un comte de Méris, dont elle était veuve. Celui-ci avait, par hasard, hérité lui-même d'un oncle, avant de mourir, en sorte que la jeune femme restait seule, sans enfant, avec plus de 120 000 francs de rente. Madeleine, elle, s'était mariée, plus simplement et plus bourgeoisement, à un médecin de grand avenir dont la clientèle grandissait chaque jour, et le ménage n'avait pas à dépenser beaucoup moins que la veuve. Ces chiffres expliqueront, à qui connaît Paris, quelle toilette d'un luxe léger et coûteux les deux sœurs promenaient sur ce quai de gare. C'est comme une livrée que toutes les jolies femmes revêtent aujourd'hui à certaines hauteurs de budget. Seulement, si la robe de mohair noir et la mante de drap noir passementée de blanc qu'Agathe portait pour le voyage venaient d'une même maison et du même rang que le costume de serge blanche de Madeleine, l'une trouvait le moyen d'être raide, guindée comme harnachée, là où l'autre était gracieuse et souple. Les joyaux de demi-deuil de Madame de Méris, sa chaîne en platine et en perles noires, ses broches émaillées de noir avec des diamants, soulignaient ce je ne sais quoi de prétentieux répandu sur toute sa personne. Madeleine, elle, n'avait d'autres bijoux que l'or des grandes épingles qui piquaient son large chapeau de tulle à fleurs, et celui de la gourmette où s'enchâssait la montre de son bracelet. De temps à autre, et tout en causant avec la voyageuse qu'elle accompagnait à son train, elle-même ne quittait pas encore Agathe. Elle regardait l'heure à son poignet d'un geste qui traduisait une inquiétude. Ce n'était pas l'impatience de voir la locomotive déboucher du tunnel sur le Rhin, là-bas. Elle appréhendait, au contraire, que ce train où montrait sa sœur n'arrivât trop vite. Agathe lui parlait, depuis ces quelques minutes, avec une demi-ouverture du cœur, et des conversations de cet ordre étaient rares entre les deux sœurs. Elles n'en avaient pas eu une seule durant tout leur séjour commun dans la ville d'eau. Cette singularité de leur rapport ne tenait pas à la nature de Madeleine, très aimante, très spontanée. L'aînée en était seule responsable, par quelques-uns de ces défauts de caractère pour lesquels les formules manquent, tant ils tiennent au plus intime et au plus profond de l'être. Agathe déplaisait comme Madeleine plaisait, par cet indéfinissable ensemble de choses qu'on appelle la personnalité. Elle le sentait, elle l'avait toujours senti. Cette constante impression d'un secret désaccord entre elle et la vie lui avait donné cette espèce d'irritation qui aboutit si vite à ce qu'un humoriste anglo-saxon appelle la dyspepsie morale. Malgré l'apparente réussite de ses ambitions, elle avait été peu heureuse et supportait mal le bonheur dont elle avait toujours vu au contraire sa cadette pénétrée. Elle ne l'enviait pas. Elle cachait trop de noblesse vraie sous ses dehors rêches, pour qu'un aussi vil sentiment trouvât place dans son cœur. Mais elle souffrait d'elle, et justement des traits personnels qui contrastaient le plus avec ses propres insuffisances. Elle détestait cette facile humeur de Madeleine, où elle ne pouvait s'empêcher de voir un peu de vulgarité, quoique rien ne fût moins vulgaire que cette aisance heureuse. Elle lui reprochait cette joie de vivre où elle n'était pas loin de discerner un égoïsme, ce qui était injuste. Elle haïssait aussi des succès de société qu'elle eut pour un rien attribuer à un peu de coquetterie. À quoi bon d'ailleurs analyser des relations délicates qu'il suffisait d'indiquer? L'aventure à qui cette causerie entre les deux sœurs sert de prologue fera ressortir ces anomalies avec une netteté qu'aucun commentaire préalable n'égalerait. Leur conversation avait commencé par une petite phrase assez irréfléchie de Madeleine. Elle avait pensé tout haut et dit à son aîné qui devait, de Agathe, toucher seulement barre à Paris puis aller en Normandie chez une amie à elle que sa sœur n'aimait guère. Tout de même, je regrette 2 fois de ne pas te garder, mais oui, pour t'avoir d'abord et ne pas rester seule avec ma pauvre Charlotte. Cette allusion à sa petite fille pour la santé de laquelle elle était aux eaux mit une lueur triste dans ses yeux si gais. Et aussi pour que tu n'ailles pas chez les Fugrés. Je n'ai pas l'habitude de négliger mes amis quand elles sont dans la peine et toi-même, en y réfléchissant, tu ne m'en estimerais pas. Avait répondu Agathe d'un ton qui prouvait que l'antipathie de sa cadette pour Madame de Fugrés ne lui échappait pas. D'ordinaire, devant des phrases pareilles, et qui risquait d'ouvrir entre les deux sœurs une discussion, Madame Liébeault se taisait. Cette réplique-ci enfermait une allusion à une difficulté récente que Madeleine et son mari avaient eue avec un des camarades de ce dernier. Il s'était brouillé avec cet homme parce qu'il avait hasardé la fortune de sa femme et de ses enfants dans d'imprudentes opérations de bourse. Cette fâcherie avait coïncidé avec sa ruine totale. L'indignation du médecin contre le spéculateur s'était manifestée si vivement avant cette ruine que l'orgueil blessé de celui-ci avait empêché toute réconciliation après le désastre. Madame de Méris, à ce sujet, avait assez vivement blâmé son beau-frère. Madeleine sentit le rappel de ce blâme qui, à l'époque, l'avait déjà froissé. La préoccupation qu'elle avait de l'avenir de sa sœur et son besoin de l'en entretenir, si peu que ce fût, avant son départ, la fit passer outre. « Si Clotilde n'est pas heureuse, tu avoueras que c'est bien sa faute », avait-elle riposté en hochant doucement la tête. Les torts de son mari se réduisent à aimer trop sa terre, ses chevaux, sa chasse et pas ses paris. « Tu sais aussi bien que moi ce qui en est », reprit l'aîné sur un ton d'impatience. « Il est jaloux d'elle, ignoblement jaloux, voilà la vérité, je le répète, ignoblement. Il a imaginé ce moyen de la séquestrer à 25 ans, à l'âge où une jeune femme a cependant le droit de s'épanouir, surtout quand elle est aussi vraiment honnête que Clotilde, c'est abominable. » Pourquoi l'a-t-elle laissé devenir jaloux ? Demanda Madeleine. Oui, pourquoi ? C'était si simple. Quand elle a vu commencer cette maladie, car c'en est une, pourquoi n'a-t-elle pas cédé à Fugret sur tous les points où il s'irritait ? D'ailleurs, elle aurait toutes les raisons et lui tous les torts, rectifia-t-elle, afin d'empêcher la protestation de sa sœur. Je n'en redouterais pas moins ton séjour chez eux. Pour une cause ou pour une autre, les Fugret sont un mauvais ménage. Ce n'est pas dans leur compagnie que tu prendras l'idée de te remarier. « De me remarier, » fit Agathe, et elle eut de nouveau un de ses sourires dont l'expression rendait soudain son visage si différent de celui de l'autre. Un léger tremblement agitait dans ces moments-là ses lèvres qui se creusaient davantage sur le côté droit, et cette inégalité eut défiguré une physionomie moins jolie que la sienne. « Tu n'as donc pas encore quitté cette idée-là, » continua-t-elle. « Tu trouves que je n'en ai pas assez de ma première expérience ?» « Je trouve que tu tires d'un hasard très particulier des conclusions générales qui ne sont pas justes, » répondit tendrement Madeleine. « Tu es mal tombé une première fois. Ce devrait être un motif pour essayer de bien tomber une seconde. Tu étais si jeune quand tu as épousé Raoul. Tu étais prise par ses manières, par son élégance. C'était bien naturel aussi que tu fusses attirée par le monde où il allait t'introduire. Dis-moi tout de suite que je me suis mariée par vanité, puisque ton mari et toi, vous l'avez toujours pensé, » dit Agathe. « Jamais. » « Nous n'avons pensé cela, » répondit vivement cette fois Madame Liébeault. « Il n'y a aucun rapport entre ce vilain sentiment et l'innocent, le naïf attrait que la haute société exerce sur une enfant de 19 ans quand elle est si jolie, si fine, si faite pour devenir tout naturellement une grande dame. Ce que je veux dire, c'est qu'à présent tu peux refaire ta vie et que tu dois la refaire. » Elle insista sur cette fin de phrase. « C'est ma grande maxime, tu sais. On doit vouloir vivre. » Pour une femme de 30 ans, belle comme toi, intelligente comme toi, sensible comme toi, ce n'est pas vivre que de n'avoir rien, ni personne à aimer vraiment. Une femme qui n'est pas épouse et qui n'est pas mère, c'est une trop grande misère. Tu es ma sœur, ma chère sœur, et je ne veux pas de ce sort pour toi. Je te remercie de l'intention, répliqua Madame de Méris avec la même ironie. Puis, sérieusement, tu ne m'as jamais tout à fait comprise, ma pauvre Madeleine, je ne t'en veux pas. Ce que tu appelles ta grande maxime, ce sont tes goûts, c'est ton caractère. Tu aurais épousé Raoul, toi, que tu aurais trouvé le moyen d'être heureuse. Je vois cela d'ici comme si j'y étais. » Continua-t-elle, en soulignant son persiflage d'un petit rire sec. « Ces brutalités seraient devenues de la franchise, il t'aurait trahi comme il m'a trahi. Tu te serais dit que c'était ta faute, comme tu le dis de Clotilde. Veux-tu que je précise la chose qui nous sépare, qui nous séparera toujours ? Tu as toujours accepté, tu accepteras toujours ta vie, quelle qu'elle soit. Moi, je voulais choisir la mienne. Cela ne m'a pas réussi. Peut-être y a-t-il plus de noblesse dans certains malheurs que dans certains bonheurs. Et puis, on ne se refait point. Je ne me remarierai pas pour me remarier. Mets-toi cette idée dans la tête, une fois pour toutes. Je me remarierai, si je me remarie, quand je croirai avoir rencontré quelqu'un que je puisse. Je reprends ta phrase. Aimer, oui, aimer. Mais vraiment, mais absolument. « Bah, les querelles de ménage de Clotilde et de Julien ne m'empêcherait pas d'épouser ce quelqu'un qui me prit le cœur si je l'avais rencontré. Mais tes exhortations ne me font pas non plus changer mon existence pour la changer. Elle a ses heures de cruelle solitude, c'est vrai, cette existence. Elle n'a pas de très doux souvenirs auxquels se rattacher. C'est mon existence à moi, telle que je l'ai voulue, et sa fierté me suffit. Tu te fais plus forte que tu n'es. Heureusement, répondit l'autre. Si tu pensais réellement ce que tu dis, tu ne serais qu'une orgueilleuse et tu ne l'es pas. Je te répète que tu es une femme, une vraie femme, et si tendre. Tu t'en défends, mais on ne trompe pas sa petite sœur quand on est sa grande. Autorise-moi seulement à te le chercher, ce quelqu'un qui te prendrait le cœur, et je le trouverai. Elle avait dit ces mots avec le mélange de demi-badinage et de demi-émotion habituel aux êtres trop sensibles quand ils veulent apprivoiser un cœur qu'ils aiment et qu'ils devinent hostile. La grâce de sa voix et de son regard pour formuler sa paradoxale proposition détendit une minute la malveillance latente de Madame de Méris, qui se reprit à sourire, et comme se prêtant à cette enfantine fantaisie, elle répliqua, sans amertume cette fois, « Je ne t'ai jamais empêché de chercher, pourvu que je reste libre de refuser. » « Tu sais que je suis très sérieuse dans mon offre, » riposta la cadette, « et que je veux mettre en campagne aussitôt, du moment que j'ai ton consentement. »« Tu l'as, » dit l'aîné sur le même ton de plaisanterie affectueuse. « Mais si c'est parmi les rhumatisants et les neurasthéniques de Ragatz ?»« Tout arrive, » interrompit Madeleine, qui ajouta en montrant à l'extrémité de la voie la silhouette de la locomotive, « même les trains suisses. » L'express débouchait en effet du pont en tunnel construit sur le Rhin et la petite gare changeait d'aspect. Les voyageurs plus nombreux se pressaient sur le bord du quai. Les facteurs manœuvraient les lourds haquets chargés de malles. La femme de chambre de Madame de Méris était maintenant auprès de sa maîtresse. D'une main, elle tenait le nécessaire, de l'autre, le paquet de châles. La rumeur des wagons roulant plus doucement avant l'arrêt définitif couvrait à peine l'éclat des voix s'interpellant à présent autour des deux sœurs qui marchaient le long du convoi. Elle ne pensait plus qu'à découvrir le numéro du compartiment réservé à la voyageuse. Quand il fut trouvé et Agathe installée parmi les innombrables objets dont s'encombre inutilement et élégamment toute femme qui se respecte, minuscule coussin pour le dos, minuscule sac de cuir pour le livre et les flacons d'odeur, minuscule pendule pour y mesurer la longueur du temps, et ainsi du reste. Elle s'accouda quelques instants à la fenêtre ouverte de la portière pour échanger un dernier adieu avec Madeleine. Elles faisaient toutes deux à cet instant un groupe d'une exquise beauté, tournant l'une vers l'autre leurs visages si semblables de traits, se regardant avec des prunelles de nouveau si pareilles, avec la grâce jumelle de leur sourire. Comme à travers toutes sortes de complications de la part de l'aînée et toutes sortes de délicats pardons de la part de la cadette, elles se chérissaient véritablement. Une émotion identique les possédait, qui augmentait la similitude de leur physionomie. Elles se trouvaient l'une et l'autre sous la lumière du soleil déjà très baissée, qui dorait de reflets plus chauds la soie de leurs clairs cheveux et la transparence de leur teint si frais. Cette double et charmante apparition était si originale qu'elle aurait partout ailleurs provoqué la curiosité des témoins de ce joli adieu. Dans les dernières minutes d'un départ, de tels tableaux sont perdus. Les deux sœurs pouvaient donc se regarder, se sourire, en liberté, comme si elles n'eussent pas été dans un lieu public, exposées à toutes les indiscrétions. Soudain, cependant, ce sourire s'arrêta sur les lèvres de la voyageuse. Ses yeux s'éteignirent. Une rougeur colora ses joues et presque aussitôt le même changement d'expression s'accomplit pour Madeleine. L'une et l'autre venaient de constater qu'elles étaient regardées fixement par un inconnu, immobile à quelques pas d'elles. C'était un homme d'environ 30 ans, lui-même d'une physionomie trop particulière pour qu'il passât aisément inaperçu. Il était assez petit, habillé avec ce rien de gaucherie qui distingue les soldats professionnels lorsqu'ils revêtent le costume civil. L'extrême énergie de son masque, tout creusé sous la barbe courte, était comme voilé, comme noyé d'une mélancolie qui ne s'accordait ni avec l'orgueil presque impérieux de son regard, ni avec le pli sévère de sa bouche. La maigreur et la nuance bronzée de son teint, où brûlaient littéralement deux yeux très bruns, presque noirs, indiquaient un état maladif, qui n'avait pourtant rien de commun avec l'épuisement des citadins, traités d'ordinaire à Ragatz. Sa physionomie militaire suggérait l'idée de quelques campagnes lointaines, d'énormes fatigues supportées dans des climats meurtriers. Il tenait une lettre à la main qu'il venait, ayant manqué l'heure du courrier, jeter à la boîte du train. Et puis, la rencontre des deux femmes l'avait pour une seconde arrêté dans une contemplation dont il sentit lui-même l'inconvenance, car il rougit de son côté, sous son hâle, et il marcha vers le wagon de la poste, d'un pas hâtif, sans plus se retourner, tandis que la cadette disait plaisamment à l'aîné « Avoue que parmi les rhumatisants et les neurasthéniques de ses os, on rencontre aussi des figures de héros de romans. » « Tu veux dire de messieurs pas très bien élevés ?» répondit Agathe. « Parce que celui-là te regardait dans un moment où il croyait que tu ne le voyais pas. » fit Madeleine. « La manière dont il a rougi quand nous l'avons surpris prouve qu'il n'a pas l'habitude de ces mauvaises façons. « Pourquoi prétends-tu que c'est moi qu'il regardait ?» interrogea Madame de Méris. « C'était toi. » « C'était toi, » reprit Madame Liébault en riant. « Moi, il ne pouvait pas me voir. »« Mettons que c'était nous, » répondit Agathe. « Il est donc deux fois mal élevé, quoi que tu en dises, voilà tout. » Puis, riant aussi, « Ne me présente toujours pas ce candidat à mine de jaunisse, il n'aurait pas de chance. »« Je n'ai aucune vocation pour le métier de garde-malade. » Le train commençait de s'ébranler tandis qu'elle prononçait ces mots de raillerie. Elle envoya un baiser du bout de sa main gantée à sa sœur, qui longtemps demeura debout sur le petit quai, maintenant désert, à regarder la file des wagons serpentés dans la vallée. « Pauvre Agathe, » se disait-elle, « c'est pourtant vrai que sa vie est trop triste, trop dénudée. Elle est aigrie quelquefois, bien peu, quand on pense à ce qu'elle a traversé, à ce qu'elle traverse. Ah, si je pouvais réellement lui trouver ce mari dont elle prétend qu'elle ne veut pas. C'est étrange. Elle est si sensible. » Et l'on dirait qu'elle craint de sentir, si aimante, et elle a peur d'aimer.